Nous sommes le vendredi 15 décembre 2017, ça y est, le week-end est à nos portes, il est prêt à rentrer dans nos cœurs. Plus que quelques heures à tenir, mes amis. Et pour vous aider à tenir jusque-là, justement, voilà Tipa, que votre podcast favori, votre petit bonbon auditif quotidien qui offre fraîcheur et confort à vos oreilles. Voilà Tipa, donc, que la revue de presse JV est là, allez, générique. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle revue de presse JV, votre podcast quotidien sur l'actu du jeu vidéo. Moi c'est Bruno Roca et durant 15-20 minutes à peu près, je vous embarque avec moi pour une balade sous le signe du gaming. Allez, c'est parti! Alors, Okami HD est sorti, donc petit point Okami HD, qui, dans une grande majorité, est accueilli avec les honneurs et le tapis rouge. Alors, je rappelle, hein, Okami, c'est le jeu de feu Clover, le jeu d'Hideki Kamiya, le jeu d'action-aventure où on dirige une belle louve, la déesse Amaterasu. Une estampe japonaise vivante. Bref, je pense que vous connaissez le jeu, même si ça n'a jamais été un gros succès commercial, c'est un jeu culte et donc il nous revient une énième fois. Et donc, comme je le disais, l'accueil est très chaleureux. Par exemple, sur GameCult, hein, MortMike lui a mis un 8 sur 10. Il nous dit « Okami n'a rien perdu de sa superbe. C'est même tout le contraire, magnifié par une refonte HD de haute volée. Le jeu développé à l'origine par Clover reste un Zelda-like qui n'a rien à envier à la licence de Nintendo. Univers charmant, réalisation et level design excellent, bande son mémorable, on voit mal comment ne pas accrocher aux aventures de la déesse Louve Amaterasu. » Une très bonne critique hein, dans l'ensemble, même si je ne ferai pas de commentaires sur le jeu de mots d'un autre siècle dont nous fait part MotorMike en fin d'article. Je vous laisse voir ça par vous-même. À l'heure où j'enregistre cette émission, Gameblog n'a pas publié son test. Par contre, jeuxvideo.com, si, et il met carrément un 19 sur 20. Allez hop, c'est la foire du slipe. Une critique, signée la rédaction, sans plus de précision. Donc voilà, c'est mystérieux, c'est la rédaction. La rédaction qui nous dit « Définir Okami revient à le targuer d'une foultitude d'adjectifs, tant l'aventure proposée est élégante, apaisante, poétique, délicate, gracieuse. Ayant aussi bien soigné le fond que la forme, Clover a créé une pièce maîtresse, dont il convient de saisir toute la portée. Aussi trépidante qu'intelligente, aussi originale que généreuse, aussi drôle que sincère, l'œuvre en question surprend, enchante, amuse et marque la rencontre de développeurs avec leur public. » Alors avec leur public, oui, une rencontre, un succès d'estime, je le précise. La plume virevolte, l'encre coule et la magie opère sans précédent. J'aurais peut-être pas été aussi loin, mais j'adore Okami, hein, ça y a aucun souci, mais c'est vrai que c'est un jeu culte. J'ai beaucoup apprécié, j'ai vu ce soir la critique de No Life, qui a été quand même un peu plus mesurée, notamment en faisant état des défauts quand même qu'il y avait déjà à l'époque sur Okami, le fait que ça parle beaucoup, que cette espèce de son yaourt quand les personnages, quand les PNJ s'expriment, qui est assez agaçant, et c'est vrai que moi à l'époque ça m'avait beaucoup agacé, des problèmes de caméra, etc. Alors parmi les fidèles auditeurs, hein, il y a ce cher Enrico Mascas qui nous dit « J'ai recommencé Okami HD hier. Graphiquement, c'est impeccable. Artistiquement, c'est admirable. Mais les bip-bip des voix sont toujours ultra pénibles et j'avais complètement oublié que la caméra était ignoble avec axe inversé et distance très discutable. » Et il est vrai que ce sont des défauts qui reviennent très très souvent. Moi, je vous avoue qu'à l'époque, ça m'avait presque sorti du jeu par moments. Maintenant c'est vrai qu'il y a aussi un système de combat qui est quand même assez précis, un peu plus touffu que les Zelda de l'époque. Je me l'étais procuré à nouveau sur PS3, parce qu'il y avait déjà une version HD sur PS3 qui était déjà très belle, mais enfin là j'imagine qu'en 4K ça doit être la fête. Donc si certains d'entre vous hein, ont le jeu ou comptent se l'acheter, bah n'hésitez pas hein, sur le compte Twitter, comme toujours, @revuedepressejv, de me faire part de vos impressions, ou sur Facebook ou par mail revuedepressejv@gmail.com. Et j'ai encore oublié de vous préciser, ne suis-je pas coquinou, que bien sûr Okami HD est sorti, donc avant-hier si je ne m'abuse, hein, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Voilà, la précision étant faite, je n'avais pas envie de me faire cliquer le cul sur internet en me disant « Mais ouais, qu'est-ce qui se passe Bruno, tu nous as pas indiqué ?» Voilà, comme ça, vous le savez, vous vous en doutiez très certainement, mais vous le savez, je suis un homme de précision. Okuto ga Gotoku prend du retard au Japon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, nom d'une pipe en bois? Eh ben, sachez, vous savez, vous vous rappelez ce que c'est quand même, si vous avez écouté le point Japon, le point 100% Japon, la nouvelle rubrique du mercredi, vous vous souvenez très certainement que Okuto ga Gotoku métisse la saga Yakuza avec l'univers bucolique et poétique de Ken le survivant. Bref, Okuto ga Gotoku donc devait pointer le bout de son nez le 22 février 2018 au Japon, mais il est finalement reporté au 8 mars pour le plus grand malheur des fans d'import. Pour sa défense, Sega déclare avoir besoin d'améliorer la qualité finale du jeu. Donc ça quand même, c'est appréciable, c'est une démarche tout à fait louable, surtout pour un jeu qui est quand même assez attendu par, en tout cas par une belle frange de fans. Et comme je le disais aussi hein, dans la rubrique 100% Japon mercredi dernier, divers événements organisés au Japon permettront de patienter. De toute façon, d'ici là, une démo, des trailers, en veux-tu, en voilà. Bref, de quoi se régaler avec ce jeu qui, moi, personnellement, j'attends, mais avec... Je dirais même avec folie, voyez. Je n'hésite pas, je balance les mots. Folie. Oh, folie, folie, connais-tu, chère folie? Alors hier, je vous parlais de l'excellent blog Game Lover, hein, un blog proposant des critiques de jeux vidéo par des personnes en situation de handicap. Et donc, vous savez qu'il y a une initiative, hein, TousGamer, avec le fameux hashtag d'ailleurs TousGamer qui a bien tourné ces derniers jours sur Internet. C'était une conférence hein, qui a eu lieu le 5 décembre au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Alors que dis-je, une conférence, une journée de débat plutôt et d'échange hein, sur l'accessibilité du jeu vidéo. Une journée orchestrée par Hugues Ouvrard, patron de Xbox France. Et donc vous pouvez retrouver l'intégralité hein, de la conférence, des intervenants, des interviews, des différents interlocuteurs, tous ceux qui ont défilé lors de cette journée événement. Alors je vous mettrai le lien, les vidéos sont accessibles, et c'est vraiment intéressant, et je vous l'ai dit hier, moi, l'accès du jeu vidéo aux personnes en situation de handicap est une cause qui me tient énormément à cœur. Vous pouvez retrouver sur ces vidéos donc Jérôme Dupire, enseignant à l'École nationale du jeu et médias interactifs numériques, donc hein, l'ENJMIN, et chercheur au Centre d'études et de recherche en informatique et communication. Il y a aussi Hichem, hein, connu sous le nom de DJH par la communauté du jeu vidéo, qui nous donne son avis pour rendre les jeux vidéo encore plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y avait également parmi les intervenants donc Stéphane Loret, le rédacteur, le big boss donc du blog Game Lover dont on a parlé hier. Je rappelle qu'il est éducateur spécialisé et que donc son blog est une merveille à visiter et à partager d'urgence, et je vous renvoie d'ailleurs à l'émission d'hier donc. Nous avions aussi David Combarieux, créateur du projet Handy Gamer, hein, donc projet qui a pour but d'adapter les manettes de jeux vidéo pour les joueurs et joueuses en situation de handicap. Il y avait aussi Guillaume SL, ergothérapeute conseil sur l'accès au numérique et salarié à l'AFM Téléthon. Il y avait aussi Just One Hand, un youtubeur dont la chaîne parle de handicap et de jeux vidéo. Et enfin, il y avait Calvin et Koucha, des joueurs concernés et actifs sur la question de l'accessibilité. Des vidéos d'utilité publique, donc je vous mettrai les liens dans la description de l'émission comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment important, très important, que ce sujet soit amplement débattu. Alors c'est vrai que GameCult avait fait un excellent papier là-dessus récemment, mais hélas, qui est en accès premium. Alors quand je dis hélas, oui et non, puisque il est tout à fait normal hein, de réserver ces gros papiers qui demandent énormément de travail pour les membres premium. Ça, je le comprends, mais alors aisément, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, du coup, voilà, je ne voulais pas conseiller au moment de sa sortie puisque il faut être premium et j'ai coutume dans la revue de presse JV de vous conseiller des articles qui sont accessibles gratuitement. Voilà, donc le sujet, on en parle de plus en plus en espérant que des vraies décisions de part et d'autre soit prise et qu'elle fasse avancer la cause. Alors avant de passer à la suite de l'émission, j'aimerais qu'on écoute Stéphane Laurent, donc l'éducateur spécialisé qui tient le blog Game Lover, donc qui explique le principe de ce blog et surtout son but. Je m'appelle Stéphane Laurent, je suis éducateur spécialisé au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing, une association familiale d'accueil des personnes en situation de handicap mental. Au sein de l'association, nous avons créé Game Lover, dont l'objectif est de tester des jeux vidéo du commerce sous l'angle du handicap, afin de déterminer l'accessibilité suivant le profil pour que tout joueur puisse trouver un jeu qui lui est adapté. Par exemple, nous avons testé le jeu FIFA 18. Nous réunissons un groupe qui est composé d'une dizaine de testeurs avec des profils de handicap différents, auditifs, visuels, moteurs, et tous ont des troubles cognitifs. Chacun prend le jeu en main pendant un certain temps pour voir quelles sont les difficultés, quelles sont les choses qui vont aider suivant son profil. Moi, je note là où ils vont avoir des difficultés, ce qui permet à la fois d'avoir l'expérience concrète et l'expérience technique et de pouvoir déterminer si un jeu est accessible à tel ou tel profil. Le but, c'est d'atteindre un maximum d'utilisateurs, de joueurs en situation de handicap qui ne connaissent pas forcément le service. Cette journée a permis de rencontrer presse et public et donc de faire passer un maximum d'informations. Parce que c'est en faisant passer un maximum le message qu'on pourra faire bouger les lignes et améliorer l'accessibilité des jeux. Donc si les gens veulent aider Game Lover, ils peuvent venir sur le blog, sur les articles pour donner leurs avis, pour donner leurs expériences de jeu, afin de les enrichir et d'aider au maximum d'autres joueurs. Le RPG Xenoblade Chronicles 2 a une mise à jour de prévue pour le 22 décembre, la version 1.1.1, et sur Nintendo Différence, ce cher Klaus nous a encore pondu un article d'une longueur cataclysmique dont il a le secret. Alors là, il vous détaille tout, mais tout. C'en est effrayant presque, vraiment encore chapeau à lui. Donc moi je vais vraiment vous donner les grandes lignes, hein, bien sûr, sinon je pense que ce point ferait 25 minutes à lui tout seul. Donc le RPG de Monolith, hein, Xenoblade Chronicles 2, qui déchaîne les passions. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner toujours votre avis sur le jeu, n'hésitez pas, puisque j'ai l'impression, en tout cas en regardant les réactions des joueurs qui sont dessus en ce moment sur les réseaux sociaux, que le jeu vraiment a plusieurs twists qui retournent bien le cervelas et qui font voir cette aventure sous un angle complètement différent. Donc quid de cette mise à jour 1.1.1, donc du 22 décembre prochain. Elle va visiblement régler des tremblements de caméra qui intervenaient à certains moments, parfois même au sortir de certaines cinématiques, si j'ai bien compris. Il y a des quêtes aussi hein, qui ne se déclenchaient pas, des objets récupérés qui n'étaient pas validés, donc tout ça, ça devrait être complètement réglé. Il y a aussi divers ajustements pour l'équilibre du jeu et l'ajout d'un mode facile pour le mini-jeu Tiger Tiger. Alors, n'ayant pas Xenoblade Chronicles 2, n'ayant pas encore de Switch, bien sûr, hein, ça va être compliqué. Je ne sais pas ce qu'est le mini-jeu Tiger Tiger, mais je ne doute pas que ceux qui sont sur Xenoblade Chronicles 2 savent de quoi ils retournent. Autre chose, hein, nous dit Klaus, quand on appuiera désormais sur le bouton X, l'écran de voyage rapide ouvrira directement la carte de notre position actuelle. Dans la version précédente, seules les zones déjà explorées s'affichent. Il faut donc retrouver notre position actuelle manuellement. Donc visiblement, ça c'était quand même un souci d'ergonomie, hein, carrément. Il y a aussi un zoom additionnel hein, qui sera disponible sur la mini-carte quand on appuie sur le stick L. On pourra donc mieux, nous dit Klaus, voir les environs et repérer les lieux de quête. Mais ce n'est pas tout, nous dit Nintendo Différence, et Klaus bien sûr, car l'année prochaine, il y a une autre mise à jour, donc la 1.1.2, qui est prévue, et la Monolith Soft met les petits plats dans les grands, puisque la mini-carte devrait être grandement améliorée, encore elle, hein. Il y aura un mode New Game Plus, et donc pour savoir ce qu'il y aura dans ce New Game Plus, je vous invite donc à aller sur Nintendo Différence, car il y a une liste complètement étourdissante. Et concernant vos avis, bah, il y a Lesté hein, sur Twitter qui me dit « Personnellement, malgré pas mal de défauts, le jeu se rattrape bien, il arrive même à ne plus se prendre au sérieux le temps d'un chapitre, alors le quatrième visiblement, avec une parodie d'un vieil animé très connu. » Adrien Henry me dit quant à lui toujours hein, sur Twitter qu'il est à 11h. Hein, 11 heures de jeu sur Xenoblade. Il dit qu'il trouve le déplacement des personnages un peu trop souple. On dirait, nous dit Adrien, qu'il se déplace sur coussin d'air. Le doublage anglais m'a plutôt rebuté, mais tout ceci est compensé par les voix japonaises. En laissant ces aspects de côté, nous dit-il, je suis totalement émerveillé par la richesse de l'univers et la direction artistique. Je suis étonné d'être charmé par le style manga de ce jeu, et quel plaisir de jouer à un RPG de cette qualité sur Switch, un jeu à emmener partout. Et oui, parce qu'il faut prendre ça aussi en compte, hein. On est bien sur Switch donc, même si la version tablette avait l'air, d'être franchement moins belle que la version dockée, il n'empêche que c'est quand même incroyable d'apporter un RPG comme ça un peu partout. Et moi je suis très curieux puisqu'on entend tout et son contraire sur ce jeu. En tout cas, il déchaîne les passions et c'est tant mieux. Au moins, ça fait réagir. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Ce serait vraiment d'une tristesse abyssale sinon. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de votre avis, de votre ressenti, de vos émotions face à ce Xenoblade Chronicles 2. Tenez, avant de se quitter, on va encore causer un peu Switch, mais enfin oui, elle occupe vraiment l'actualité, vu son grand succès, plus de 10 millions d'unités vendues. Tout le monde va sur Switch, tout le monde, c'est la ruée vers la Switch. Bref, et là, il s'agit de Yooka-Laylee. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Yooka-Laylee, c'est le successeur spirituel des Banjo-Kazooie, fait par des anciens de Rare, et donc qui arrive sur Switch. On le savait, il y avait eu des bruits de couloir qui étaient quand même pas très rassurants sur la qualité de ce portage Switch. Quand je dis qu'il arrive sur Switch, en fait c'est déjà arrivé, puisque c'est dispo depuis hier sur l'eShop de Nintendo. Et Digital Foundry, la chaîne YouTube Digital Foundry, une chaîne de référence en ce qui concerne les comparos techniques jeux vidéo, c'est vraiment des cadors. Donc Digital Foundry s'est penché sur la version Switch de Yooka-Laylee. Et d'après eux, c'est tout à fait correct, hein, sachant que vous avez donc du 900p en mode TV, donc je répète, du 900p en mode TV, et du 600p en version portable à une fréquence constante de 30 images par seconde. Alors selon nos experts, les développeurs ont créé quelques nouveaux assets afin de remplacer les plus volumineux. Donc visiblement, il y a eu des éléments, des textures et que sais-je encore qui ont été carrément refaits puisque voilà, ça pesait trop pour cette pauvre Switch et apparemment le résultat est tout à fait correct. Donc c'est très bien, même si je pense que ça doit être dur de passer sur Yooka-Laylee après un Mario Odyssey. Mais voilà, si vous l'avez retourné dans tous les sens et que vous voulez faire une petite pause avant d'y retourner sur un autre jeu de plateforme, ça peut être un bon investissement. Moi personnellement, je n'y ai pas touché. Yooka-Laylee, a été accueilli tantôt chaleureusement, tantôt un petit peu, je dirais, froidement. Mais enfin, ça a l'air de, quoi qu'il arrive, d'être un bon jeu. Autant lui laisser sa chance. En tout cas, techniquement, ça a l'air de tenir tout à fait la route. Et c'est ainsi que cette énième semaine de revue de presse JV s'achève. Et oui, c'est triste, mais c'est ainsi, que voulez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve lundi, même heure, même flux, même chaîne, pour attaquer une toute nouvelle semaine, plein de news gaming de bonne aloi. Quand je dis à lundi, pas pour tout le monde, puisque pour les tipeurs, on se retrouve dès demain, pour les tipeurs concernés, avec votre édition spéciale 100% inédite du samedi avec ces news fraîchement pêchées du matin. Je rappelle que vous pouvez m'aider à réaliser cette émission dans de meilleures conditions grâce au Tipeee, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv, avec plein de contreparties super coolos, donc je vous invite à aller voir tout ça. N'oubliez pas que l'émission est disponible H24, 7 jours sur 7, sur iTunes, PodCloud, Deezer, YouTube, et ouais, partout, Twitch, j'ai tendance encore à l'oublier. Comme je le disais déjà dans cette émission, vous pouvez venir réagir, me poser des questions, venir causer avec moi sur @revuedepressejv sur Twitter, ou sur mon Twitter perso, @chezbruno, chez_bruno. N'oubliez pas les petites étoiles sur iTunes, c'est très important, des petits commentaires, ça me fera très plaisir. Merci pour tous vos mails, je reçois encore beaucoup beaucoup de mails et je vous remercie. Alors parfois je mets un peu de temps à répondre puisque j'ai, voilà, c'est pas évident d'aller vite sur tous les fronts, mais en général, vous le savez, ceux qui m'écrivent, au plus tard dans les 24 heures, vous avez quand même une belle petite réponse tapotée par mes petits doigts sur mon clavier, je lis. L'adresse mail, je rappelle, c'est @revuedepressejv@gmail.com. Vous avez aussi le blog, larevuedepressejv.wordpress.com avec tous les liens. Et donc, je remercie encore tous les tipeurs hein, pour leur soutien, qui est vraiment très très très très important. Pour le ciboulot, pour la niaque que vous me donnez, et merci aussi à tous ceux qui partagent, qui parlent de l'émission et qui réagissent, hein, vraiment, ça donne une pêche d'enfer. Et ben, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, bon courage pour ceux qui bossent, pour les autres, eh ben, reposez-vous. Si vous n'avez pas encore écouté la grande revue de presse JV, l'émission mensuelle hein, qui dure 3 heures, la dernière dure 3 heures avec des tipeurs à mes côtés, eh ben, elle est toujours disponible. Hein. Voilà, si vous avez envie d'un peu de rab et que vous n'avez pas eu le temps de l'écouter encore, eh ben, elle est toujours dispo, toujours sur les mêmes flux. Je vous fais plein de bisous, merci encore pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux en plus à m'écouter chaque jour, donc ça fait énormément plaisir. Et donc je vous dis à lundi, à demain pour les tipeurs, que le jeu vidéo vous accompagne et rende votre vie meilleure. Allez, bye bye.